Ça y est, c'est la rentrée. Eh oui, les vacances sont finies. Et tu es toujours au collège Jean Moulin ? Non, je vais au lycée maintenant. Le temps passe vite. C'est vrai que mon fils est déjà à l'université. Il étudie quoi ? La littérature. Il a toujours adoré lire.